Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les signes de l'affaiblissement de l'hégémonie britannique et du rejet de la présence des troupes anglaises au Moyen-Orient après 1945 ? S'interroge l'historien Henri Laurence. Comment l'agitation sociale et les émeutes démontrent-elles qu'il n'existe plus en Égypte de forces politiques capables de faire admettre une alliance avec la Grande-Bretagne, alors que la base de Suez demeure essentielle dans le système de défense occidentale face aux ambitions soviétiques dans le contexte de la guerre froide? Comment la question du Soudan entre-t-elle en jeu dans les négociations égypto-britanniques? Enfin, comment le manque de moyens financiers en Irak provoque-t-il une tension permanente avec la Grande-Bretagne, alors que les aspirations nationalistes agitent l'opinion publique? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, ouvre le chapitre de l'érosion de l'hégémonie britannique dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux crises d'Orient. Il analyse dans le cours d'aujourd'hui l'échec des négociations égypto-britanniques entre 1945 et 1948, puis celui des négociations irako-britanniques. Dans son ouvrage « L'Orient dans tous ses états », Henri Laurence rappelle le contexte issu de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille du désert. L'Orient arabe s'industrialise et s'enrichit en alimentant la machine de guerre britannique. La Grande-Bretagne se retrouvera lourdement endettée au profit de ses alliés arabes. Le raidissement britannique s'est accompagné de la fin de la fiction de l'Empire libéral et le nationalisme moderne n'aura de cesse que les traités ne soient abrogés. Au lendemain de la guerre, après l'éviction des Français, les Britanniques se verront soumis à une érosion continue de leur position. Dans le contexte de la guerre froide, l'historien explique que les Britanniques avaient cru assurer leur position et leur rôle mondial en prenant sur eux la constitution de la ligne d'arrêt du communisme soviétique, de la Grèce à l'Iran, en passant par la Turquie. En 1947, ils comprennent qu'ils n'en ont plus les moyens. Avec la doctrine Truman, les États-Unis prennent la relève. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, la flotte de guerre américaine prend position à proximité des détroits, remplaçant dans ce rôle séculaire la flotte britannique. C'est la naissance de la 6e flotte. De fait, explique encore Henri Laurence, la doctrine Truman de 1947 fait des États-Unis les premiers pourvoyeurs d'aide à la Grèce et à la Turquie, qui intègrent ensuite l'OTAN. Si la route des Indes disparaît avec l'indépendance de l'Inde en 1947, la Méditerranée continue à jouer un rôle essentiel dans les relations internationales, à un moment où les Américains supplantent par étapes les Britanniques. Dans la terminologie américaine, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Orient va du Maroc à l'Inde. Et nous gagnons le Collège de France le 9 janvier 2019 pour le cours d'Henri Laurence intitulé « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui, l'échec britannique en Égypte et en Irak ». Je vous ai expliqué que les stratèges américains avaient, dans les années 45-47, pratiquement façonné notre monde. Il ne faut pas penser à des démiurges qui travaillaient dans des prévisions à 20 ou 30 ans. C'était par tâtonnement, par essai, par erreur, par réponse à des événements qui se produisaient de façon continue. Ils étaient beaucoup plus réactifs qu'autre chose. Mais néanmoins, ils ont construit tout le monde de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle Et c'est ça l'idée essentielle. Et si on prend quelqu'un comme Kennan, à la fois on a des textes de lui qui sont absolument extraordinaires d'analyse et de lucidité, et puis à d'autre côté, il produit des textes sur l'Asie, sur les Arabes ou sur l'Amérique latine qui sont d'une stupidité rare. Donc à la fois il est prophète et il est aussi à certains moments complètement... je n'oserais pas qualifier les textes qu'il a écrits à telle ou telle occasion. Donc, la dernière fois, j'avais commencé à dresser les débuts de la guerre froide avec le fait qu'en quelque sorte, la guerre froide commence par la réactivation du grand jeu et de la question d'Orient d'avant 1914. Parce que tout simplement, la politique de Staline s'inscrit à ce moment-là dans une continuité ou une revendication sur la Russie tsariste, à la fois en tant que revendication territoriale, objectif géographique et vocabulaire même, puisque durant toute la période 1939-1945, Staline parle constamment de zone d'influence, c'est-à-dire tout le discours de l'impérialisme d'avant 1914. Donc ça, c'est ce point. Et donc, là aussi, la réactivité a été le fait que, en raison de l'effacement britannique, les États-Unis ont été conduits à se mettre en première ligne en Iran, en Turquie et en Grèce. Et là, on est en même temps dans la définition de l'esprit américain, c'est-à-dire à la fois l'objectif territorial est concret, c'est-à-dire faire barrière à la progression soviétique, mais de l'autre côté, Truman et son administration le font en termes de valeurs, défense de la liberté, de la démocratie, etc., et pas en termes d'objectifs géographiques en tant que tels. Et c'est donc l'intérêt de la doctrine Truman, c'est qu'elle pose immédiatement un conflit idéologique entre le bien et le mal, entre la liberté, la démocratie et le totalitarisme, etc. Alors, reste que l'Amérique, elle avait des armées et qu'on lui demande une multiplicité d'engagements dans ces années qui suivent la guerre. Alors, ça fait des débats internes aux États-Unis, parce que d'une part, il y a une tradition isolationniste qui est encore... fortement présente, mais parce que ça coûte cher. Aujourd'hui, dans les débats, on rappelle que à l'époque de Roosevelt et de ses successeurs, vous aviez des impôts sur le revenu qui dépassaient 70% sans les tranches les plus hautes du revenu américain. Mais c'est aussi le moment où l'État américain, dans ces années, fait des engagements colossaux en matière de politique extérieure, d'abord financière dans le plan Marshall, et ensuite militaire, mais ça on verra dans les scolaires prochaines, dans le cadre de la Constitution de l'OTAN. Les budgets civils et militaires vont monter de façon comme des fusées sous l'administration Truman. Mais il faut se rappeler que les États-Unis en 1945, c'est plus de 50% de la production industrielle mondiale à l'issue de la guerre. Il n'y a pas de compétiteur par rapport à la puissance économique américaine. Et on le voit très bien dans la situation des Britanniques qui, eux, sont apparemment encore une grande puissance, mais dont l'économie et les finances ont été totalement ruinées lors de la Seconde Guerre mondiale et qui, dans le même contexte, s'engagent dans la construction de l'État-providence. Il ne s'agit pas ici d'opposer, comme ont fait certains historiens britanniques, la cause de l'Empire à celle de l'État-providence, mais disons que les engagements de l'État sont tout à fait considérables. Alors, le rêve britannique dans cette immédiate après-guerre, c'est de se faire reconnaître ce qu'on appelle à l'époque une doctrine de Monroe, c'est-à-dire une primauté d'influence au Moyen-Orient, comme les États-Unis ont acquis une doctrine de Monroe sur l'Amérique latine. Et a priori, en 1945, vous avez encore plusieurs centaines de milliers de soldats britanniques qui stationnent au Proche-Orient à la suite de la guerre. Et la démobilisation britannique, elle est lente, tout simplement, d'abord parce qu'il y a des problèmes de transport, et puis d'autre part, on a le souvenir de la démobilisation de 1919 qui a provoqué une crise économique terrible en Grande-Bretagne, donc on veut lisser le mouvement. Les sorties de guerre sont parfois plus difficiles que les entrées de guerre, quand on parle en tout cas des guerres mondiales. Alors, il y a un même rêve, comme en 1919, de retour à la normale, et au Proche-Orient, le retour à la normale, c'est pour la Britannique le maintien de l'Empire par traité, quitte à faire des révisions cosmétiques à ces traités. Mais le premier dossier qui surgit dans le monde arabe en 1945-46, c'est le dossier de la Libye. Durant la guerre, lors de la conquête de la Libye par la 8e armée britannique, les Anglais s'étaient engagés auprès de la population libyenne à ne jamais autoriser le retour des Italiens. Du coup, la question se pose de donner ou non l'indépendance à la Libye. Et la France du général de Gaulle est farouchement hostile à une indépendance de la Libye, puisqu'un État arabe indépendant à la frontière de la Tunisie et de l'Algérie serait un exemple catastrophique. Donc, on a l'hostilité française. Comme l'Union soviétique fait le jeu colonial, elle réclame la trusteeship sur la Libye, une tutelle. Donc, la version moderne du mandat, évidemment, on ne peut pas accepter que l'Union soviétique ait une tutelle sur la Libye. Du coup, la solution de la tutelle ne peut pas être prise. Et dernière curiosité de l'histoire, mais qui marque bien le caractère paradoxal de la période, en 1946, les Britanniques lancent le processus d'indépendance de la Libye, et du coup l'Union soviétique propose que la Libye revienne à l'Italie, pour ennuyer les Britanniques, etc. Évidemment, les Britanniques refusent le retour des Italiens en Libye. Mais la question essentielle est celle de l'Égypte. Pensez qu'en mai 1945, vous avez 250 000 soldats britanniques présents sur le sol égyptien, enfin 250 000 soldats de l'Empire britannique, alors que le traité de 1936 n'en autorise en temps de paix que 10 000. Et la question est que 10 000 cantonnés à la base de Suez, la plus grande base britannique dans le monde. Alors, si le roi Farouk a chassé le Waft du pouvoir et gouverne avec les partis dits minoritaires, il existe une unanimité égyptienne pour une évacuation complète des troupes britanniques, avec comme slogan fondamental du nationalisme égyptien de cette période l'unité de la vallée du Nil et terrain droit du Nil, c'est-à-dire la fusion entre l'Égypte et le Soudan. Je rappelle que le Soudan avait été une espèce de dépendance coloniale de l'Égypte des Khédives avant 1880 et que les Égyptiens étaient arrivés jusque pratiquement au niveau de l'Ouganda et qu'après l'insurrection mahdiste du début des années 1880, l'Égypte qui a été occupée par les Britanniques avait perdu le Soudan. C'est la fameuse aventure de Gordon Pasha à Khartoum. Et à la fin des années 1890, Kitchener, commandant de l'armée égyptienne de l'époque, avait fait la reconquête du Soudan sur les mahdistes. Et le jeune Winston Churchill avait participé à l'expédition de Kitchener sur Khartoum, et qui avait conduit ensuite avec les Français à Fashoda. Et en 1899, le Soudan avait été défini comme un condominium anglo-égyptien. En gros, les Anglais administrent et les Égyptiens financent. Ce qui, évidemment, était désagréable pour les Égyptiens, mais qu'ils avaient maintenu le financement parce que ça maintenait leurs droits sur le Soudan. Donc, sur toutes les cartes de l'époque, vous voyez pour Soudan, condominium anglo-égyptien. Mais en pratique, le Soudan avait été une des dernières grandes aventures du fardeau de l'homme blanc. C'est-à-dire que les coloniaux britanniques s'étaient vraiment impliqués dans la mise en valeur de ce territoire, avec tous les mérites et démérites du système colonial. D'un côté, Vous aviez les coloniaux qui géraient des populations. Ils étaient deux Anglais pour des populations de 500 000 personnes sur 40 000 km², etc. Ils géraient ça de façon admirable, parlant la langue du pays, vivant avec les gens du pays, etc. C'est le modèle complet du système colonial de la fin du 19e siècle. Et de l'autre côté, vous aviez le fait que Kitchener avait créé, avec l'argent qu'il avait reçu en gratification de sa conquête, le Gordon College de Khartoum, donc à la mémoire de Gordon, et qui était le premier établissement supérieur en Afrique, en tout cas en Afrique britannique, si on fait abstraction de l'Afrique du Sud. Et le Gordon College était devenu l'université de Khartoum ensuite, et qui était donc une très belle réussite coloniale. Et il y avait un réel attachement chez les Britanniques à cette population soudanaise. Et il y avait ensuite le facteur aggravant, qui était que si la population du nord et du centre du Soudan était musulmane et arabisante, arabophone, la partie sud du Soudan n'était pas musulmane. Elle était soit animiste, soit chrétienne, parce que vous aviez des missionnaires chrétiens, et elle ne parlait pas l'arabe. Et les Britanniques avaient séparé pratiquement le Sud-Soudan du reste du Soudan pour protéger les populations. Avec tout ça, tout le souvenir de la période terrible du 19e siècle, du trafic d'esclaves, etc., qui avait traumatisé ces régions. Et donc, les Britanniques voulaient absolument préserver le Soudan, considérant que le retour des Égyptiens au Soudan serait une catastrophe pour les populations soudanaises. En Égypte même, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé la génération de 1936, c'est-à-dire en gros des jeunes gens qui sont nés dans les années 10 et qui arrivent à l'âge adulte au moment du traité anglo-égyptien de 1936. Et c'est une jeunesse éduquée, dans celle dont on parle en tout cas, qui se retrouve dans les forces politiques extra-parlementaires, comme les mouvements communistes, parce qu'il y en a plusieurs dans l'Égypte de l'époque, les islamistes représentés par les frères musulmans, les nationalistes radicaux, et on a surtout un phénomène d'éducation morale ou politique ou même sentimental, on pourrait dire, si on prend référence à Flaubert, de jeunes gens, enfin essentiellement des jeunes hommes, parce qu'il ne s'agit pas de jeunes filles à l'époque, qui fréquentent les milieux radicaux. Ils peuvent passer en quelques semaines des frères musulmans aux communistes ou inversement, parce qu'en fait ils se forment intellectuellement par des lectures, par des rencontres, etc. Et cette jeunesse se retrouve en dehors de ces forces radicales, dans les Genèves du Waft aussi, mais qui sont très éloignées du centrisme du parti waftiste. Ce qui est caractéristique de cette jeunesse de la génération de 36, c'est qu'elle porte avec elle une revendication nationale radicale, c'est-à-dire le départ des Britanniques, on en a assez, et des réformes sociales, mais des réformes sociales qui ne sont pas articulées clairement. Et dans ce fait, l'espace politique est complètement bloqué par la revendication unanime de la société égyptienne du départ sans condition des Britanniques. Ça fait 70 ans qu'ils sont là, on en a assez, qu'ils s'en aillent. Enfin, 60 ans, un peu plus de 60 ans. 65 ans qu'ils sont là, il faut qu'ils partent. Et même le premier gouvernement de l'indépendance de l'après-guerre, celui dirigé par les partis minoritaires, c'était Nokrashi Pacha, est pratiquement contraint de demander l'ouverture de négociations le 20 décembre 1945 à la Grande-Bretagne pour le départ des Britanniques, l'argument étant que l'Égypte a joué sa part dans la guerre en laissant son territoire être le champ de bataille entre les Britanniques et les Germano-Italiens. Mais maintenant, c'est fini, que les Britanniques s'en aillent parce que le peuple égyptien veut ce départ. Alors que Ernest Bevin, lui, ne cherche qu'une reformulation du traité de 1936 qui conserverait les données essentielles. Et dans cette période, on n'est pas encore vraiment dans la guerre froide, les militaires britanniques sont prêts à accepter une réduction drastique des effectifs militaires, puisqu'ils seraient prêts à accepter une limitation de la garnison britannique de Suez à 5000 hommes, alors qu'il y en a 250 000 à ce moment-là, en Égypte, parce qu'on travaille sur l'hypothèse qu'après tout, on pourrait évacuer totalement l'Égypte si on trouve un lieu de substitution pour la grande base britannique. Et les lieux de substitution, ça pourrait être la Libye, la Cyrénaïque, ou la Palestine, par exemple dans le Negev ou du côté de Gaza. Et donc, ça, ce sont les projets des militaires britanniques qui étudient la possibilité de transfert de la base. En ce qui concerne le Soudan, par contre, Bevin est absolument intransigeant. Il ne peut être question que d'un respect du droit au self-government, au droit à l'autodétermination. Enfin, self-government, c'est pas l'autodétermination des Soudanais. Mais ce self-government pourrait aller ensuite jusqu'à l'éventuelle indépendance. Je rappelle que self-government est pratiquement intraduisible en français. Si vous prenez la mention de self-government dans la charte des Nations Unies, en français, ils traduisent par autonomie. Et si vous prenez le vocabulaire de la SDN, self-government est traduit par libre gouvernement. Et aujourd'hui, vous avez l'affreux autogouvernement, qui est un calque pur de l'anglais. Mais on voit très bien qu'une notion de self-government en français, ça passe jamais. Alors que c'est tout à fait compréhensible pour des Britanniques ou des Anglo-Saxons. Je dis ça parce que c'est important sur le dossier de la Palestine, cette question du self-government. Alors Londres répond le 26 janvier 1946 par une note marquant l'importance de la coopération de l'Égypte avec le Commonwealth et l'Empire britannique durant la guerre et une éventuelle révision dans le cadre de la Charte des Nations, enfin bon, du charabia politique pour gagner du temps. Ce qui provoque la colère de la foule égyptienne, et le 10 février 1946, des milliers d'étudiants marchent sur le palais royal au Caire, exigeant l'évacuation de l'Égypte. Les heurts avec la police font de nombreux blessés, et l'épisode est célèbre, puisqu'un certain nombre d'étudiants ou manifestants tombent dans le Nil et seraient morts noyés dans cette affaire. Et où on a des violences analogues à Alexandrie. Alors, les émeutes provoquent la chute du gouvernement et Farouk appelle le vieil homme d'État égyptien Sidki Pacha pour former le gouvernement. Sidki Pacha, c'était à la fois un homme d'État qui avait une vision globale de l'avenir de l'Égypte. C'était un autoritaire, un ennemi du Mouafd. Il avait gouverné l'Égypte au début des années 30 de façon très dur, très autoritaire au moment de la suspension de la Constitution de 1923. Mais en même temps, c'est l'homme qui a un grand projet économique pour son pays, d'industrialisation du pays, d'indépendance économique, etc. Il y a Gaston Zananiri, un jeune Libanais d'Alexandrie qui est devenu dominicain et qui a écrit ses mémoires. C'est un très beau texte. Et dans ses mémoires, il dit que Sidki Pacha était venu dîner chez ses parents dans les années 30, je crois, au début des années 40. Le Sidki l'avait interrogé et lui a dit « Jeune homme, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et alors, il lui a dit « T'es écouté, protestant. » Il a dit « Toi, t'es pas musulman, t'as aucun avenir ici. » Et c'était franc, c'était net. On dîne avec les chrétiens. Libanais, c'était des étrangers, considérés comme étrangers, même s'ils avaient la citoyenneté égyptienne, mais ils n'avaient pas d'avenir en Égypte. Ce que Sidki dit à cette époque, c'est ce que fera Nasser quelques années après. Alors, le 4 mars, nouvelle manifestation, nouveau mort, et Sidki lance le mouvement en ouvrant des négociations directes avec les Britanniques. C'est que les Britanniques commencent à s'inquiéter du risque de voir les Soviétiques profiter de la crise égypto-britannique ils font des concessions fondamentales, qu'ils ne font d'ailleurs que respecter le traité de 1936. Ils évacuent les centres urbains. L'armée britannique quitte Alexandrie, le Caire, etc. Alors, le grand mouvement symbolique, c'est le départ des Britanniques de la citadelle du Caire qui surplombe la ville et puis l'abandon des casernes qui sont au centre du Caire. Ces casernes qui seront rapidement détruites pour donner naissance à la fameuse place Tahrir que vous connaissez aujourd'hui. Jacques Berck avait écrit un texte magnifique sur le symbolisme de la reconquête qui était justement la libération de l'espace où se trouvaient les casernes de l'armée britannique depuis les années 1880. Alors, c'est vraiment un geste fort, mais en même temps, c'est un geste qui permet de limiter les dégâts, parce que les heurts entre les soldats britanniques et la population égyptienne deviennent de plus en plus fréquents, c'est-à-dire que les permissionnaires, par exemple, de l'armée britannique se font agresser par la foule dans les rues du Caire ou d'Alexandrie. Il peut même y avoir des morts. Donc retirer les soldats des villes, c'est aussi éviter ce type d'incident. Alors évidemment, à Londres, les conservateurs accusent les travaillistes de trahison et les travaillistes répondent qu'on n'est plus au temps de la reine Victoria. La négociation va porter sur la possibilité d'un retour des troupes britanniques en cas de guerre. Pour les Égyptiens, le souvenir de la présence de centaines de milliers de soldats durant les deux guerres est loin d'être un souvenir heureux, aussi bien pour la population égyptienne victime de la brutalité du comportement des militaires que pour les élites qui ont l'esprit le renversement d'un khédive en 1914 et le quasi-renversement d'un roi en 1942. Bon, certes, on faisait des affaires avec les soldats britanniques qui alimentaient le commerce local, mais enfin, ils se mettaient d'une brutalité rare. Le film de Youssef Chahine, Alexandrie, pourquoi, montre très bien cette tension entre la population égyptienne et les soldats britanniques, surtout les Australiens, qui ont laissé dans tout le Moyen-Orient de très mauvais souvenirs de leur comportement en dehors de leur... caserne, puisque les Australiens, il y en avait eu en Égypte, il y en avait eu en Liban, en Palestine, en Syrie, durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faudrait trouver une solution de compromis et les Britanniques recherchent un projet qu'ils appellent un Joint Defense Board, qu'on pourrait traduire par un comité de défense commune qui serait composée à parité de militaires des deux pays qui se réuniraient régulièrement pour étudier la situation internationale et la sécurité de l'Égypte. Et donc les Britanniques évacueraient la base de Suez, mais en cas de tension internationale et après accord du Joint Defense Board, à ce moment-là, les Britanniques auraient le droit de réoccuper la base. L'opinion publique ne se satisfait pas de ce situé projet et continue de manifester. Du coup, vous savez, quand il y a des manifestations un peu longues, le pouvoir se raidit, commence à parler d'une législation anti-émeute et multiplie les annonces de mesures de répression. Nous parlons de l'Égypte. Et en même temps, pour contrer le Waft, Sidki va chercher à s'appuyer sur une des principales forces d'opposition populaire, qui est les frères musulmans. Et il y a donc violence, un moment, entre militants wafdistes et frères, et puis ensuite, les frères musulmans basculent de l'autre côté dans l'opposition, en rejoignant les wafdistes dans l'opposition au projet de traité. Alors, Sidki, sentant que sa position s'affaiblit, se précipite à Londres pour conclure le traité avec Bevin et le principe d'évacuation est acté pour le 1er septembre 1949. Mais reste la question du Soudan. Bevin parle de self-government et Sidki parle de souveraineté égyptienne. Donc on mobilise des juristes pour trouver une solution et en résulte un protocole particulièrement alambiqué dans le cadre de l'unité de l'Égypte et du Soudan sous la couronne commune, la couronne d'Égypte. Les deux parties s'engagent à suivre une politique dont l'objectif principal sera le bien-être des Soudanais, le développement de leurs intérêts et leur participation active au self-government et à l'exercice du droit qui en découle de choisir le futur statut du Soudan. Autrement dit, les Égyptiens voient leur souveraineté reconnue, enfin, sans, puisqu'on parle d'une couronne mixte Égypte-Soudan, et en même temps, les Anglais considèrent qu'ils ont gagné puisqu'on a acté le self-government. Et Sidki peut penser qu'il a gagné la partie, mais le 16 novembre 1946, les étudiants lancent un mouvement de protestation durement réprimé et ensuite la violence s'étend à tout le pays. Le 26 novembre, Sidki remporte quand même la majorité des voix au Parlement égyptien, mais le gouvernement britannique du Soudan explique publiquement que le traité, enfin l'accord, donne le droit à l'indépendance au Soudan. Et ça, évidemment, les Égyptiens ne peuvent pas l'accepter, donc les manifestations redoublent. Et le 8 décembre 1946, Sidki Pacha est obligé de démissionner et Nokrashi Pacha revient au pouvoir dans la foulée. Alors, les événements de 1946 sont essentiels pour la suite parce qu'ils démontrent qu'il n'existe plus en Égypte de forces politiques capables de faire admettre une alliance avec la Grande-Bretagne. Le représentant des Pachas, qui est Sidki, qui est aussi l'un des acteurs de l'industrialisation de l'Égypte, n'a pas réussi et aucun des mythiques paysans de Bévin ne serait prêt à défendre la Grande-Bretagne. Du coup, Nokrashi, qui a compris la leçon, ne veut plus entendre parler de reprise de négociation. Conformément aux positions défendues par la position, il se tourne vers les Nations Unies pour demander le départ des Britanniques. La démarche est faite en juillet 1947 auprès du Conseil de sécurité. La présence de troupes étrangères en Égypte et au Soudan contre la volonté des populations est contraire à l'esprit de la charte. La présence militaire britannique en Égypte diminue quand même, mais elle est encore de 126 000 hommes au 31 août 1947, contre 10 000 autorisés par le traité. France et France Culture vous présentent l'historien Henri Laurence, Les Crises d'Orient, l'hégémonie britannique, 1926-1956, aujourd'hui l'échec britannique en Égypte et en Irak. Dans ce contexte, les Britanniques considèrent qu'ils ont trop cédé aux Égyptiens et qu'il faut revenir à une politique de fermeté dans l'attente de trouver un gouvernement égyptien qui acceptera de négocier sur des bases raisonnables. Du coup, on arrive à une situation de confrontation sans négociation. Le gouvernement égyptien met ostensiblement fin à toute une série de contrats avec les entreprises britanniques, tandis que les radicaux appellent à un boycott de tout ce qui est britannique. La mission militaire britannique est supprimée auprès de l'armée égyptienne et l'Égypte sort de la zone Sterling, mais l'Égypte n'obtient pas ce qui est pour elle le plus important, c'est-à-dire le déblocage des balances Sterling, de ces millions de livres Sterling que l'Angleterre lui doit et qui sont bloqués à Londres. Alors les discussions au Conseil de sécurité s'allongent sans résultat tangible durant les premiers mois de 1948. Les Américains commencent à s'inquiéter et du coup voudraient proposer leur médiation, ce qui permet de se mettre à dos les Britanniques et de mécontenter les Égyptiens. C'est généralement ce qu'on fait quand on fait une médiation. Pour les deux puissances occidentales, la base de Suez reste indispensable pour le système de défense occidentale. Alors là, il faut revenir parce que ça va expliquer une partie de la politique du Moyen-Orient jusqu'au début des années 50. C'est ce qu'on appelle la stratégie périphérique, qui est le fait que les militaires préparent en général la guerre précédente. Alors, de façon la plus concrète, les troupes présentes en Europe occidentale, y compris des pays comme la France ou l'Italie, c'est dérisoire par rapport à ceux dont dispose l'armée rouge. C'est le moment en 47 où le général de Gaulle dit « l'armée rouge est à deux étapes du Tour de France ». Ce qui est une image, mais qui représente une réalité. Et pour les Britanniques et pour les Américains, en cas d'invasion soviétique, ben, il n'y a rien à faire. On ne peut pas arrêter les Soviétiques sur leur marche sur l'Atlantique. On pense peut-être qu'ils feront comme Hitler, c'est-à-dire qu'ils s'arrêteront aux Pyrénées, parce qu'ils pourraient reconnaître la neutralité de l'Espagne de Franco. Et de l'autre côté, ils attaqueraient par la Bulgarie et par le Caucase, et ils balayeraient le Proche-Orient pour arriver au moins au niveau de la Palestine. Donc, dans la stratégie périphérique, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend le choc, on fait des Dunkerque, et puis ensuite, on détruit l'économie soviétique par des bombardements. Et donc, la base aérienne la plus importante à proximité du territoire soviétique, c'est Suez, avec les nouveaux avions. Donc, on détruit l'économie de l'Ukraine, puisqu'on n'utilise pas l'arme nucléaire dans le projet. Il y en a très peu encore à l'époque. Et donc, une fois qu'on en a détruit la puissance industrielle de l'adversaire, on fait des débarquements et on fait la reconquête de l'Europe de l'Ouest. C'est en gros ce qu'on appelle la stratégie périphérique, qui va être maintenu jusqu'à 1952-53, puisque ce sera à ce moment-là seulement que, vers 52-53, que la montée en puissance de l'OTAN permettra de prévoir une ligne d'arrêt de l'invasion soviétique sur une ligne allant de la vallée du Rhin à l'Adriatique. Alors, quand les Français sont en courant, ils sont furieux, évidemment, parce qu'ils ne sont pas informés des projets. D'apprendre qu'ils vont être soumis à une nouvelle occupation, ça n'enchante guère. Il y a un très bon roman de Koestler qui marque toute cette période, enfin qui marque très bien l'ambiance en France dans cette période, qui est vraiment d'une méchanceté rare, puisqu'on a Sartre et Beauvoir qui se font assassiner dedans, entre autres. Je crois que ça s'appelle Les Dieux en soif en français, je ne me rappelle plus le titre anglais, mais c'est un des romans de Koestler qui mérite d'être relu aujourd'hui, parce que c'est les récits des derniers jours de la France avant l'invasion soviétique, d'après les archives soviétiques, 50 ans après. Ça vaut le coup d'être lu, ne serait-ce que pour retrouver l'ambiance de cette période. Donc, dans la stratégie périphérique, en gros, on arrêtera l'armée russe quelque part entre la Palestine et le Sinaï. C'est là où il y aura la bataille d'arrêt. Et donc, évidemment, on ne peut pas abandonner l'Égypte. Ça expliquera pourquoi ensuite les départements français d'Algérie seront intégrés à l'OTAN. Ça expliquera aussi pourquoi le plan Marshall sera appliqué au Maroc, puisque la concentration des troupes américaines passera par le Maroc dans le cadre du projet de reconquête. Tout ça est tout à fait cohérent. On est complètement éberlué aujourd'hui quand on trouve ça dans les archives, mais c'est bien ce qui permet de comprendre les réactions des politiques dans cette période. Alors, Sidki avait obtenu en 1946 le soutien des États arabes. Mais comme il n'y a plus d'accord possible avec les Britanniques, ce que Nokrashi va faire, c'est d'attaquer systématiquement toutes les positions britanniques politiques au Proche-Orient pour créer un rapport de force favorable. C'est-à-dire provoquer le maximum d'ennuis pour les Britanniques pour qu'ils cèdent. Et l'Égypte va s'en prendre avec violence au seul soutien réel que les Britanniques ont dans la région, c'est-à-dire les deux puissances hachémiques, la Jordanie et l'Irak. Ce qui va permettre de comprendre le contexte de l'autre échec britannique, qui est la négociation avec l'Irak. En Irak, la situation économique s'est détériorée à la fin du conflit mondial, tout simplement puisque les commandes britanniques ont diminué, puisque la guerre est terminée. Toute la région s'est industrialisée pour fournir du matériel à la 8e armée britannique qui était dans le désert occidental. Il y avait 1 million de soldats britanniques à un moment, il fallait les nourrir, les alimenter, les vêtir, etc. Donc tout le Moyen-Orient a produit pour cette armée britannique. En plus, vous avez des années de sécheresse. La monarchie avait fait un énorme effort scolaire qui a développé les classes moyennes avec l'accès à l'enseignement secondaire, mais ils ne trouvent pas ces jeunes d'emploi en fonction de leurs compétences. Et enfin, le mécontentement rural est très très fort dans le cadre de renforcement de la grande propriété foncière support du régime. Et le problème économique essentiel, c'est que la Grande-Bretagne a des balances sterling de l'ordre de 65 à 70 millions de livres sterling, c'est une somme absolument colossale, à l'époque, et que les Britanniques ne peuvent pas de toute façon libérer les balances sterling. Ils ne peuvent pas fournir des marchandises, parce que, comme je vous l'ai expliqué, les rares produits modernes que la Grande-Bretagne produit, ils essayent de le vendre en dollars aux Américains. Et comme les Anglais n'ont pas de dollars, les Américains n'ont pas de dollars, puisqu'ils ne peuvent pas changer leur livre sterling en dollars. Alors donc, vous avez en Irak, plus qu'en Égypte encore, à la fois des manifestations de la jeunesse éduquée et des grèves ouvrières, parce qu'en Irak, et ce sera valable jusqu'aux années 60, très tôt, le Parti communiste a pris une base sociale importante en Irak, en particulier dans les populations chiites irakiennes. Comme on disait à l'époque au Liban, mais c'était aussi valable en partie pour l'Irak, les chiites fournissent les militants et les minorités fournissent les cadres. Les cadres sont des juifs et des chrétiens, et les militants du parti sont chiites en grand nombre. Et d'ailleurs, on disait en arabe à l'époque que chiites et communistes, c'était la même chose. Shia, Shuyuriya, c'était des mots équivalents. Le nationalisme arabe, pan-arabe, est toujours très fort aussi, avec une mobilisation forte sur la question de Palestine. Alors, le régime, c'est-à-dire le régent, et ceux qui sont restés fidèles lors des événements de 1941, sont très inquiets de ces développements. Leur conservatisme social les font apparaître comme un groupe de corrompus au service d'un impérialisme britannique. Mais ils sont pris entre la nécessité de satisfaire la revendication nationale de révision du traité de 1930 et en même temps le risque de ne plus avoir de soutien britannique en cas de renversement du régime, comme ça s'était produit en 1941. Il y a ce qui se passe en Iran voisin avec la République kurde de Mahabad qui donne de très mauvaises incitations, si on peut dire, aux Kurdes d'Irak. Et de fait, après l'effondrement de la République de Mahabad, les militants kurdes se sont réfugiés en Union soviétique. Et en effet, l'Union soviétique va utiliser les Kurdes pour essayer de déstabiliser la monarchie irakienne qui est considérée comme un instrument de l'impérialisme britannique. Alors, l'état d'urgence avait duré jusqu'à la fin de 1945 et puis le régent a tenté une tentative de libéralisation pour désamorcer la situation et il avait libéralisé le régime, autorisé les partis politiques modérés en avril 1946, c'est-à-dire ceux qui veulent des réformes mais qui acceptent le maintien de la monarchie. Et les Anglais soutiennent en particulier un personnage qui est important sur la scène politique, c'est Salih Jabber, qui est un chiite. Et c'est le premier chiite qui a fait le parcours le plus élevé dans le système politique irakien, juge, gouverneur de province, ministre, et il apparaît comme un réformateur, mais en même temps défenseur de la monarchie. C'est un nationaliste arabe. Donc, les Anglais soutiennent Jabber en disant « Celui-là, il peut essayer de résoudre la tension confessionnelle dans le pays entre chiites et sunnites. » Nouri Saïd est toujours dans l'ombre. Quand il n'est pas ministre, il est toujours le meneur du jeu politique. Et sur la question de Palestine, il a mené un ton particulièrement militant. Il revient au pouvoir comme chef de gouvernement en novembre 1946 et pour préparer des élections en mars 1947 qui seraient en faveur des forces conservatrices. Et en effet, les élections qui encore sont un système à deux degrés hérité de l'époque ottomane, donne donc une majorité conservatrice. Alors, dans la foulée des élections, Salih Jabber est chargé de former le gouvernement et donc tout le monde voit la possibilité de sortie par le haut du régime. Les négociations avec les Britanniques commencent en mars 1947. Les Anglais, échaudés par l'affaire égyptienne, y vont doucement, mais Jabber veut donner à son pays le statut d'allié le plus important de la Grande-Bretagne dans le Moyen-Orient. En gros, faire de l'Irak le pivot du système britannique au Moyen-Orient, ce qui donnerait la première place à l'Irak dans le système politique. De plus, l'armée irakienne est dans un état absolument lamentable après les événements de 1941. Alors, toute la négociation va porter sur le retour à l'Irak des deux grandes bases militaires et aériennes irakiennes, Rabaniya près de Bagdad et Shaiba près de Basra, ainsi que de reformer une armée irakienne moderne capable de défendre le pays. L'évolution du dossier palestinien pèse lourd et conduit donc à des concessions. Et donc les Anglais envisagent de redéployer leurs forces vers le Golfe et de constituer avec l'Irak un traité moderne qui servirait de modèle pour les autres. On est au moment du premier plan de partage pour la Palestine. Il faut donc montrer que les Britanniques sont quand même les défenseurs. Enfin, ils ont une vraie amitié pour les Arabes. Donc, en janvier 48, Salih Jabber se rend en Angleterre et le lieu de la signature est donné symboliquement à Portsmouth. Et une idée, on fait visiter le navire de Nelson, hein, voilà, bon, c'est beau. Et le traité entérine la notion de partage des bases et de la constitution d'un comité de défense commune, comme dans le projet égyptien. Joint Defense Board avec parité entre Irakiens et Britanniques. Et le traité de Portsmouth est signé le 15 janvier 1948. Et connu en Irak, l'opposition y voit non un partenariat entre les deux pays permettant la remise à niveau de l'armée irakienne, mais l'acceptation d'une complète mainmise militaire britannique sur l'ensemble du territoire irakien. À partir du 18 janvier 1948, le pays est secoué par de violentes émeutes attisées par les difficultés économiques et sociales. Effrayé, le régent répudie de fait le traité le 21 janvier et Salih Jabber doit démissionner. Ces événements, entrés dans l'histoire sous le nom de Wafba, le sursaut, s'explique d'une part par l'ampleur de la crise sociale, mais d'autre part par la généralisation d'un nationalisme radical qui rejette toute présence des Britanniques. Alors, pour les Britanniques, c'est un choc, parce qu'ils pensent qu'ils sont toujours les amis des Arabes et que franchement, les Arabes n'en veulent pas d'eux, c'est vraiment des ingrats. Insupportable. Rappelez, je vous avais expliqué dans les cours précédents que tant qu'il y avait les Français au Proche-Orient, les Britanniques pouvaient dire que c'était la faute des Français. S'il y avait des malheurs entre les Anglais et les Arabes. Maintenant que les Français sont partis, ben, les Britanniques se rendent compte que les Arabes ne veulent pas d'eux. Et ça, c'est un choc psychologique parce qu'eux, ils étaient dans la romance anglo-arabe de la Première Guerre mondiale, etc. Alors, le régime est très affaibli, la composition sociale au sud du pays est atteinte parce que, comme Jaber était chiite, les tribus chiites ont failli marcher sur Bagdad pour prendre la défense du traité. Et on aurait eu une guerre civile où les chiites auraient soutenu la position de Salih Jaber et le traité contre les nationalistes arabes sunnites. Et donc, l'élite irakienne est prise toujours dans le même dilemme. Pour survivre, il faut être nationaliste. Mais si on est nationaliste, on risque de perdre le soutien de la Grande-Bretagne et donc de se retrouver démunis le jour suivant. Alors, le grand vainqueur régional de l'affaire, c'est le triangle Égypte-Arabie Saoudite-Ligue des États arabes qui ont maîtrisé le jeu. Mais la politique anti-hachémite ne peut pas aller trop loin puisque le risque de voir la Jordanie et l'Irak de quitter la Ligue arabe excédé par le fait que la Ligue arabe est devenue un instrument de la politique égyptienne. Alors, ce qui se passe en quelque sorte dans ces événements égyptiens et irakiens, c'est ce que j'appellerais un phénomène de transfert. Je crois que c'est une des clés essentielles pour les décennies qui suivent. La lutte pour l'indépendance face à la puissance impériale puisque coloniale, elle était pluraliste. Il y avait une série de partis politiques. Et celui qui se donnait la position de gagner, d'avoir le soutien populaire, c'était celui qui se radicalisait le plus. Et de ce fait, les autres partis étaient disqualifiés par l'accusation d'être valets de l'impérialisme, instrument de l'ennemi, de l'occupant, etc. Dans le système pluraliste arabe de la période, la lutte entre les partis, entre les forces politiques, passait par la disqualification. Et ce que l'on a maintenant dans l'affaire de 47, c'est que la disqualification passe au système interétatique arabe. C'est-à-dire celui qui cède devant les Britanniques se trouve disqualifié dans le projet d'avoir une politique d'influence ou d'hégémonie régionale. Et ce processus de disqualification qui fait que la scène politique arabe est quelque sorte le complémentaire, voire qu'on aura des dictatures, le substitut d'un jeu politique intérieur, sera toujours par le jeu de la disqualification. Alors ça, c'est encore valable aujourd'hui par rapport aux djihadistes d'un côté qui disqualifient tous les autres et les autres, eux, proclament qu'ils sont les artisans de la stabilité. Mais c'est dans ces années de l'après-guerre que cette syntaxe politique est en train de se mettre en place. Alors évidemment, ça ne se comprend aussi que par la croissance constamment des communications, en particulier de la radio, qui fait que on commence à entendre en Irak la radio du Caire et ainsi de suite, même si on n'est pas encore aux années 50 où l'arrivée des transistors permettra une diffusion formidable des instruments de communication modernes. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le 9 janvier 2019 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui l'échec britannique en Égypte et en Irak. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié Les crises d'Orient, Questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 chez Fayard en 2017, et prochainement le tome 2 de ces crises d'Orient va paraître sous le titre La naissance du Moyen-Orient 1914-1949. Je rappelle également son livre L'Orient dans tous ses états, volume 4 des Orientales, aux éditions du CNRS en 2017. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laurelane Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient en compagnie d'Henri Laurence et il s'agira du face-à-face entre Britanniques et Américains. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Culture.